Ah, je me suis fait engueuler par Bilos. Il m'a dit que je jouais pas la bonne partie de Israël Kamakawi Oli. Attends, c'est Somewhere Over the Rainbow. Capot en cinquième case. Ah, mais j'avais pas mis le capot, c'est pour ça. D'accord. Thank you. avant l'apéro. Il est mort, mais qu'on dit toujours. Mais il est mort, celui qui est chanté. Thank you. Son restaurant là. There's a lady who's so unglad he's gone. No. Comment tu fais? Attends.